Eh bien, j'ai suffisamment bien dormi hier soir que j'ai découvert mes lunettes dans ma poche et pas sur mon nez comme hier soir. Des bénédictions partout. Maintenant, si vous n'avez vraiment pas souffert, c'est parce que vous êtes encore jeune. Si vous vivez suffisamment longtemps, vous allez souffrir. Il n'y a qu'une seule alternative de ne pas vivre suffisamment longtemps. Si vous vivez suffisamment longtemps, vous allez perdre un époux ou une épouse, peut-être des enfants. Dans l'église où j'étais pasteur à Vancouver, j'avais dans mon assemblée une femme, mais elle avait 94 ans quand je suis arrivé. Elle avait perdu 3 maris et tous ses enfants. Et ce n'est pas tout simplement la souffrance individuelle. Comment penser à un tsunami? Un tsunami, oui. Il y a l'équivalent de 3 tsunamis en Afrique chaque année par le sida. Si vous pensez que ce que je vais faire maintenant à travers ces 2 jours et demi, c'est de vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin pour tout expliquer, vous êtes aussi bien de quitter la salle immédiatement. Vous serez déçus. Après tout, la Bible elle-même souligne les problèmes qui encerclent ce sujet. Le prophète Habacuc, par exemple. Ce prophète pouvait comprendre comment Dieu pourrait utiliser une autre nation pour punir Israël. Il pouvait comprendre cela. Dans sa providence, Dieu utilise une nation pour punir son peuple de l'Alliance. Ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'était comment Dieu pouvait utiliser une nation plus méchante qu'Israël pour punir Israël. Où se trouve la justice dans cela? Et bien des prophètes soulèvent les mêmes questions, les psalmistes souvent, à partir de David. Job, quoi faire avec Job? Ce n'est pas comme si la Bible nie ces questions ou les ignore. C'est la Bible elle-même qui soulève ces questions, à haute voix, avec des cris, des larmes. Et souvent, les réponses que donne Dieu ne sont pas les réponses que nous voulons recevoir. Ce que j'aimerais faire à travers ces 2 jours et demi, ce n'est pas essayer de vous donner une liste de textes à méditer. J'essaierai de construire 6 piliers. 6 piliers qui soutiennent une espèce de plateforme sous lequel nous construisons une théologie. C'est-à-dire des piliers qui soutiennent en effet toute une structure, comment penser de ces choses. Et si nous ignorons un pilier, nous manquons quelque chose. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas balancé. Ces piliers et la plateforme, la théologie qui résulte de tout cela, n'est pas une réponse, mais une manière de penser, une façon pour nous donner une structure, comment penser de Dieu à Dieu, comment comprendre un peu au moins le mystère de sa providence. Les puritains parlent souvent du mystère de la providence de Dieu. Comment l'adorer, comment se fier à lui, même quand nous ne pouvons pas tout expliquer, examiner quelques désastres différents. Et des fois, si vous posez une question et je vous dis, mais j'aimerais bien répondre à cette question, mais peut-être mercredi soir ou jeudi matin, c'est parce que je sais qu'il y a un autre pilier à construire. Et je veux attendre jusqu'à ce pilier avant de considérer cette question. D'autres fois, je vais essayer de faire mon possible de vous répondre. Premièrement, premier pilier, considération provenant du début de l'intrigue biblique. Considération provenant du début de l'intrigue biblique. Nous commençons avec Genèse 1 à 3. Selon la Bible, malgré toutes les difficultés, les incertitudes à cet égard, la Bible enseigne que quand Dieu a tout créé, tout était bon. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de malin. Il n'y avait pas de noisseur, pour ainsi dire. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de rébellion. Quand Adam se levait le matin, sa première pensée était de Dieu. Il l'aimait avec tout son cœur, avec toute sa force, avec toute sa puissance. Et Adam et Ève, puisque tous les deux aimaient Dieu, ils s'aimaient aussi. Ils étaient en bonne relation avec Dieu, donc ils étaient en bonne relation avec l'un avec l'autre. Et apparemment, tout était bien dans ce que nous appelons la nature aussi. Un avant-goût de l'état final dans les nouveaux cieux, sur la nouvelle terre. Mais ce que nous lisons dans Genèse chapitre 3, c'est le commencement de ce qui est méchant chez les hommes. Et je veux passer quelques instants sur ce chapitre. Genèse chapitre 3. Je fais quelques observations. Premièrement, la tromperie répulsive qui caractérisait la première tentation. La tromperie répulsive qui caractérisait la première tentation. Chapitre 3, verset 1 à verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront, et que vous serez comme les dieux qui connaissent le bien et le mal. » Quelques remarques. Comment interpréter un tel passage? À un niveau, il faut insister que ce passage nous donne histoire. Mais quand même, il y a histoire avec symbolisme et histoire sans symbolisme. C'est certain, chez Paul, par exemple, qu'Adam était un homme historique, pas tout simplement un mythe. Autrement, il n'y a pas de manière de comprendre Romain ni un Corinthien. Quand même, vous allez vous souvenir de 2 Samuel chapitre 11 et chapitre 12. Dans 2 Samuel chapitre 11, David, un homme puissant, voulait avoir quelque chose, en ce cas Bathsheba, et son mari était un homme faible en comparaison avec David. Un homme fort, un homme faible, quelque chose désiré. Un homme fort, un homme faible, est quelque chose de désiré. Bathsheba, Uri, Bathsheba. Dans chapitre 12, quand le prophète Nathan a confronté le roi, il a raconté une parabole. Il a dit, il y a un cultivateur très riche avec des troupeaux partout, un homme extrêmement puissant. Puis à côté de lui, un pauvre cultivateur avec un petit brebis. Mais il avait un petit brebis. Mais malheureusement, quand la grande visite est arrivée, l'homme riche a volé le petit brebis de l'homme pauvre. Donc encore un homme puissant, un homme faible et quelque chose désiré en ce cas, le brebis. Et c'est bien évident qu'au début, David ne savait pas de quoi Nathan parlait. C'était une parabole. Mais après quelques minutes, il a compris que Nathan parlait de lui, hein? Parce qu'il y avait la même structure, un homme fort, un homme faible et quelque chose désiré. Pris en effet par l'homme fort. Malgré le fait que cette chose désirée appartenait à l'homme faible. Donc, le parallèle est pas mal exact, n'est-ce pas? Mais, dans le premier cas, c'était la deuxième chose, c'est-à-dire l'homme faible qui était tué. Dans le deuxième cas, c'était la troisième chose qui était tuée, c'est-à-dire le brebis. Premier cas, la chose désirée était une femme, une personne, un être humain. Deuxième cas, c'était un brebis, un animal. Ce n'était pas exact. Donc, il y avait la même structure, mais il y avait quand même des différences. On peut parler d'un tel et tel événement, d'une telle et telle circonstance, d'une telle et telle relation avec une espèce de symbolisme qui... Mais si c'est la même chose, il n'y a pas de symbolisme. C'est seulement la réalité, vous voyez. Maintenant, si j'avais assez de temps, j'essaierais de vous donner une herméneutique comment comprendre les premiers 11 chapitres de Genèse, mais ça me prendrait un autre 15 heures et je n'ai pas le temps et vous n'avez pas la patience pour tout cela. Et donc, je n'essaierai pas à tout expliquer le fruit de l'arbre, je vais le mentionner davantage, ou le serpent, sauf de dire ceci. Si le serpent symbolise Satan, ou est en effet une incarnation du Satan, n'a pas l'intérêt de l'auteur. C'est, selon la Bible, c'est Satan. Il faut lire tout simplement Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 l'identifie comme le serpent, Satan lui-même. Mais si ici il y a une espèce d'incarnation du diable ou un animal qui symbolise le diable ou quoi, ça ce n'est pas quelque chose de la première importance, ça n'intéresse pas l'auteur du tout. Ce qui l'intéresse dans ces premiers quelques versets, c'est la tromperie répulsive qui caractérisait la première tentation. Le serpent commence avec une question. L'auteur dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Rusé, le mot rusé en français, est-ce qu'il y a une connotation négative dans ce mot? Mais le mot en hébreu peut être traduit également prudent. Ça dépend du contexte. Par exemple, Proverbes chapitre 12, verset 23, « L'homme prudent préserve ses connaissances. » L'homme prudent, pas rusé, prudent. Également, Proverbes 14, 18, et ainsi de suite. Ça dépend du contexte, c'est-à-dire la prudence devient quelque chose de corrompu. Quand c'est utilisé dans la rébellion contre Dieu, ce qui commence avec la sagesse ou la prudence peut devenir une habitude de cœur rusée. Ce n'est pas que Dieu l'a créé rusé. Il a créé, mais le mot en hébreu, prudent. Mais déjà à ce point dans l'histoire, c'est présupposé que ce serpent, ce Satan, était quoi, prudent ou rusé. Dans cette histoire, c'est bien clair, rusé. Mais le mot lui-même ne signale pas que Dieu l'a créé comme cela. Ça dépend complètement du contexte et du développement. Et le texte ici n'explique pas comment le serpent est devenu rusé. Ça n'intéresse pas notre auteur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, et il pose une question. Il nie rien, il pose une question. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il commence donc avec une question, pas une contradiction. Ça soulève une possibilité. Il y a un esprit de scepticisme, un petit peu. Dieu a-t-il réellement dit cela? C'est pas croyable. Afin d'introduire au moins un peu de doute dans la bonté de Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est pas croyable que Dieu a donné une prohibition comme cela. C'est un peu étroit. Donc, en effet, c'est une espèce de flattery. Flattery? Est-ce que nous parlons de flattery? Oui. Qui signale que la femme se trouve dans la place où elle peut être le juge de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Comment est-ce que le créateur peut évaluer son créateur? Et ensuite, il continue avec une exagération. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu l'avait défendu de manger le fruit d'un arbre du jardin. Exagération. Donc, ça présente Dieu comme quelqu'un qui peut-être n'est pas si sage que tout cela. Et en plus, un Dieu qui trouve sa joie dans sa capacité de dire non à ses créatures. Tu veux t'amuser? Non! Tu veux faire cela? Non! Tu veux choisir une autre chose? Non! Non! Non! Un grand Dieu de non. Donc, ce n'est pas un Dieu de justice, ni d'amour. Ce n'est pas un Dieu de sagesse, ni de bienveillance. Ce n'est pas un Dieu à qui nous pouvons nous fier. Et au commencement, la femme a bien répondu. Elle a contredit le diable. La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Ce n'étaient pas tous les fruits. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, là, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. » Et ensuite, elle ajoute quelque chose. « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. » Eh bien, dans chapitre 2, verset 17, il n'y a pas mention de toucher, seulement de ne pas manger. Peut-être c'est seulement un point littéraire. Mais peut-être aussi, même Ève commence à avoir des sentiments d'injustice dans tout cela. Oh, ce n'est pas tous les arbres, mais Dieu a défendu qu'on mange cet arbre-là, le fruit de cet arbre-là. On peut même pas toucher. Donc encore, d'une façon implicite, c'est une critique de Dieu, n'est-ce pas? On comprend ce qui va mal ici. Si on imagine un peu ce qu'elle aurait dû dire, comment est-ce qu'elle aurait dû répondre? Elle aurait dû répondre, « Es-tu fou? Nous parlons maintenant de Dieu. C'est le paradis. Regarde, c'est magnifique. J'ai un mari qui m'aime et j'aime mon époux. Tout est parfait. » Il sait ce qu'il fait. C'est le Créateur, c'est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Je n'ai pas de volonté, ni de pouvoir, ni un sens de ce qui est bon ou de mal, à part de lui. J'ai été créé pour lui, par lui. Et maintenant, de me mettre en rébellion contre lui comme si j'ai le droit ou le pouvoir de juger mon Créateur, c'est tellement ridicule. Ferme ta boîte, après tout. C'est ça qu'elle aurait dû dire. Ça nous aurait épargné de beaucoup de troubles. Mais elle est prête à introduire un petit morceau de doute, comme si, à cet égard, elle peut être un peu plus sage que son Créateur. Et encouragée ainsi, le serpent continue. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. » C'est la première doctrine niée par la rébellion dans la Bible. Et c'est la doctrine de la justice et du jugement de Dieu. Si nous pouvons ôter la crainte de la justice, la crainte du résultat du péché, la mort, le jugement, plus tard l'enfer, il n'y a pas grand-chose à nous restreindre. Donc, c'est la première chose que le diable nie. Et ensuite, il ajoute, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme les dieux qui connaissent le bien et le mal. » Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il dit en effet que Dieu ne voulait pas que ces êtres humains, ces personnes créant son image, gagnent une espèce d'indépendance, gagnent une capacité de discerner le bien et le mal. Et dans un certain sens, le diable a raison. Dans un certain sens. Après tout, vers la fin du chapitre, l'Éternel dit, verset 22, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un des nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main » et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Connaître le bien et le mal. Vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Dans un sens, même dans l'histoire, ils connaissent un peu plus loin qu'ils sont nus. Ils commencent à connaître des choses qu'ils ne connaissaient vraiment pas, qu'ils ne reconnaissaient pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître le bien et le mal? Est-ce que ça veut dire tout simplement la capacité de discerner entre ce qui est bon et ce qui est méchant? Ou discerner même par l'expérience? Mon épouse souffre du cancer. Eh bien, un grand nombre de médecins, des experts dans l'oncologie, l'ont traité. Et sans doute, ces médecins connaissent leur médecine. Mais du point de vue de souffrance, mon épouse sait ce que c'est le cancer bien mieux que ses docteurs. Dans un sens, c'est eux autres qui sont les experts. Dans un autre sens, elle a l'expérience du cancer qu'ils n'ont jamais subi. Pour eux autres, c'est une étude. C'est une science. Pour elle, c'est une expérience. Et peut-être connaître le bien et le mal, ça signale maintenant expérimenter le bien et le mal. Après tout, la femme connaît déjà que c'est méchant, selon Dieu, de manger de ce fruit. Donc, elle sait qu'il y a une différence entre ce que Dieu veut et ce qu'elle veut, ou entre Dieu, ce que Dieu veut et ce que Dieu condamne. Mais maintenant, si elle prend le fruit, elle sait que c'est contredire Dieu, pas en théorie, mais en expérience. Peut-être ça veut dire tout simplement cela. Quelqu'un peut savoir ce que c'est commettre l'adultère sans l'avoir commis. Après l'avoir commis, il y a toute une autre perspective. Mais de temps en temps, l'expression en hébreu connaître le bien et le mal a une autre connotation. C'est-à-dire d'établir le bien et le mal. De contrôler la discussion par un acte de volonté entre le bien et le mal. De déterminer ce que c'est le bien et déterminer ce que c'est le mal. Je vous donne des versets, je ne vais pas prendre le temps maintenant pour les lire, mais vous pouvez les examiner plus tard vous-même. Deutéronome chapitre 1, verset 39, comparé Jonas 4, 11, 2 Samuel 14, 17 et 19, 35, 1 Roi 3, 9, Ésaïe 7, 15, et 16, peut-être. Après tout, dans le trame de l'histoire jusqu'à ce point, le texte nous a dit à plusieurs reprises dans Genèse 1 et Genèse 2 que Dieu a créé quelque chose et il a vu que c'était bon. Il a créé une autre chose, il a vu que c'était bon. Quand il avait tout créé, il a prononcé que c'était bon. Mais ça, c'est le privilège, même la responsabilité du Créateur, n'est-ce pas, de Dieu. Est-ce que c'est à nous à décider ce qui est bon et ce qui est mal? Donc, dans un certain sens, le diable, le Satan, le serpent parlent avec la vérité. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme les dieux, c'est-à-dire, c'est la responsabilité, c'est le privilège des dieux pour établir ce qui est bien, ce qui est mal. Vous voyez? Mais à la fois, c'est une grande menterie, c'est un grand mensonge. Devenir Dieu, quand nous ne le sommes pas, c'est le commencement de toute idolâtrie. Il y a une expression assez bien connue dans le monde anglais. C'était écrit par Lord Acton dans le 19e siècle. Tout pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais tout dernièrement, j'ai vu une affiche sur une voiture, un bumper sticker. Qu'est-ce que c'est un bumper sticker? Un quoi? Autocollant? Oui, un autocollant. Tout pouvoir corrompt. Mais il me semble que le pouvoir absolu est merveilleux. All power corrupts, but absolute power corrupts absolutely. Mais maintenant, il dit, all power corrupts, but absolute power sounds like fun. J'aimerais bien m'amuser avec tout pouvoir, pourvu que c'est moi qui ai le pouvoir, après tout. Devenir comme Dieu. Voilà donc la nature de péché. Ce n'est pas tout simplement désobéir à une loi, une prohibition. C'est plutôt une rébellion contre Dieu par laquelle je me fais Dieu. C'est moi qui prends la place de Dieu. C'est moi qui décide ce qui est bon. C'est moi qui dirige ma vie. C'est moi maintenant qui me dit Dieu, en effet. Oh, je ne dis pas je suis Dieu, après tout. Mais j'agis comme cela. comme si je contrôle ma vie, comme si j'ai le droit d'évaluer Dieu, comme si Dieu n'est pas plus qu'un collègue senior, mais pas mon créateur, pas mon juge, pas mon souverain, pas mon Dieu. La déification est une fantaisie difficile à supprimer. Toujours une tentation. Nous voulons être des personnes puissantes. Peut-être c'est à ce point où nous devrions examiner un peu plus près ce que c'est ce fruit. Il n'y a pas d'indication que c'était une pomme. Comme si Dieu n'aime pas les pommes, mais les bananes, peut-être pour lui, ou les ananas sont pas mal, mais les pommes, il n'aime pas les pommes. Il n'y a rien d'arbitraire dans son choix. Ce n'est pas comme ont bien interprété bien des théologiens à travers les siècles, ce n'est pas le sexe. Il n'y a pas d'indication ici que c'était tentation vers le sexe. Aucune indication de cela. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être c'était seulement un arbre que Dieu a choisi d'une façon arbitraire pour examiner si ces personnes, créant son image, seraient contents de se fier à lui ou s'ils voulaient devenir des dieux eux-mêmes. J'ai mentionné l'autre jour brièvement qu'un des défis quand nous faisons évangélisation dans les universités et même dans les villes aujourd'hui, c'est comment expliquer ce que c'est le péché. C'est un grand défi. Et surtout pour nous qui ont été élevés dans des quartiers chrétiens, nous sommes accoutumés à penser au péché comme la rébellion contre la loi, la rébellion contre des règles. Il y a une rébellion contre la loi aussi ici, ou contre une loi, contre une règle, pour ainsi dire. Une règle, oui, pour ainsi dire. Mais quand même, il y a quelque chose de plus profond ici, n'est-ce pas? C'est contre Dieu. C'est déjà l'idolâtrie. Parler du péché comme l'idolâtrie, avant d'introduire la notion de loi, est beaucoup plus fort, beaucoup plus pesant pour les personnes de notre génération, parce que ça parle de trahison personnelle, ça parle de trahir une relation. Et parmi notre génération, les relations ont une importance suprême. La loi, c'est un peu arbitraire pour notre génération, mais les relations, ça c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Donc, essayer d'expliquer ce que c'est l'idolâtrie, une trahison de la relation entre Dieu et ses créatures, là, il commence à voir comment c'est horrifique. Si c'est seulement une question de briser des règles, leur réponse immédiate, c'est « Et c'est qui décide ces règles? C'est pas moi. Hein? Ben, si c'est pas moi, hein? Ça ne m'intéresse pas. » Ce n'est pas logique d'accepter que l'idolâtrie est méchante et briser les lois de Dieu, c'est arbitraire. Mais même si ce n'est pas logique, c'est ça que nous trouvons aujourd'hui quand même, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tant d'emphase sur l'importance des relations personnelles. L'idolâtrie commence avec la trahison de cette relation entre créature et créateur. C'est une des choses que Tim Keller enseigne bien dans son livre que j'ai mentionné l'autre jour, « The Reason for God ». Donc, l'arbre ici n'est pas un arbre de magie. Comme si en mangeant ce fruit, tout d'un coup, je me doutais, comme si on mangeait ce fruit, il y avait un liquide ou un poisson ou quelque chose dans le fruit propre qui pouvait le corrompre. Ce n'est pas ça. C'est la rébellion propre qui est ce qui est méchant ici. C'est la trahison contre Dieu. Ce n'est pas comme si c'est un anti-sacrement. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. C'est-à-dire, bon à manger et agréable à notre perspective, à nos perceptions et désirable afin d'atteindre la sagesse. Ce qui est défendu peut être attrayant quand même, n'est-ce pas? Et souvent, nous voyons ici le début de tout péché. J'ai besoin de quelque chose afin que, quoi? Afin que je devienne content, afin que j'ai la vie abondante, afin que je devienne plus riche, plus confortable. J'ai besoin de quelque chose et c'est moi qui décide encore. Ce n'est pas Dieu. Donc, c'est la dédéification de Dieu. C'est l'idolâtrie. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Donc, premièrement, la tromperie répulsive qui caractérisait la première tentation. Deuxièmement, les premières conséquences qui ont suivi cette tentation. Versets 7 à verset 13. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Parce que je suis nu, je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu m'as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. Quels sont donc les résultats, les premières conséquences de ce péché? À la fin de chapitre 2, nous lisons, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Est-ce que ça signale, tout simplement, qu'il n'y avait pas de vêtements? Ou est-ce qu'encore une fois, il y a du symbolisme? C'est-à-dire, ils étaient tellement ouverts l'un avec l'autre qu'il n'y avait rien à cacher. Vous les hommes, là, maintenant, seulement les hommes. Est-ce que vous seriez contents si tout ce que vous pensez, toute votre imagination, tout ce que vous désirez serait parfaitement compris par votre mère, votre épouse, votre fille? Vous les femmes, seriez-vous contentes si tout ce que vous choisissez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pensez, serait complètement expliqué, exposé à vos pères, mari, fils. Chaque instant d'amertume, par exemple. Chaque moment de convoitise. C'est une bonne chose que nous voulons nous cacher, n'est-ce pas? Imaginez donc un temps où il n'y avait rien à cacher. Ça, c'est le point. Et il y a encore des places dans le monde où ils ont des colonies de personnes nues qui ont cette théorie. Des fois, c'est tout simplement pour avoir du sexe. Mais assez souvent, c'est presque une vision rousseauiste, n'est-ce pas? Si nous pouvons revenir à la nature, si nous pouvons être complètement candides, est-ce qu'on dit candides? Candides, l'un vers l'autre dans le royaume physique, un jour, nous pourrons être absolument candides dans chaque domaine. On n'arrive jamais. Parce que c'est le cœur qui est corrompu. Nous avons des choses à cacher, n'est-ce pas? Ça, c'est le point. Ce n'est pas tout simplement la quantité de vêtements. Encore une fois, il y a du symbolisme dans l'histoire. Vous voyez? Et maintenant, il y a une espèce de renversement dans l'ordre que Dieu a créé. Dieu avait créé Adam. Ensuite, Ève. Et Adam et Ève, selon chapitre 1, devaient être les seigneurs de la création. Mais maintenant, Ève écoute le serpent. Adam écoute, pas la voix de Dieu maintenant, mais la voix de son épouse qui contredit Dieu. Et nous allons voir que Dieu le blâme pour cela, verset 17. « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, et ainsi de suite la malédiction. » Il y a un renversement de tout l'ordre de création, vous voyez? Et avec cela, aussi, en effet, il y avait un manque d'innocence et enfin la mort. La mort, quelle sorte de mort? Augustin, dans son livre fameux « La cité de Dieu », 13, section 12, il pose la question « Si quelqu'un demande quelle sorte de mort Dieu avait en vue, nous répondons, c'était tout. Il comprend par la mort, non pas tout simplement la première partie de la mort, dans laquelle l'esprit perd Dieu, mais la deuxième partie, quand l'esprit abandonne le corps, mais aussi la deuxième mort, la mort des morts, éternelle. Dans un sens, ils ne sont pas morts immédiatement. Dans un autre sens, le texte démontre qu'ils sont morts à Dieu, déjà. Ça, c'est la première mort, n'est-ce pas? Ils se cachent devant Dieu. Devant Dieu, ils sont déjà morts. Nous lisons, verset 7, « Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. » Oh oui, oui, oui, mais ce n'est pas tout simplement le fait qu'ils étaient nus, mais dans le symbolisme qui suit chapitre 2, verset 25, ils savent qu'ils sont coupables devant ce Dieu. Ils ont des choses maintenant à cacher. Même leur désir de construire des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble, c'est ridicule d'un côté. D'un autre côté, c'est nécessaire. Dieu insiste que c'est nécessaire. Nous voyons un peu plus tard. L'Éternel Dieu fit à Adam, verset 21, et à sa femme des habits de peau. Il ne dit pas, « Oh, ça ne fait rien, tu peux être encore nu. » Il sait que ces deux personnes, ces deux êtres humains, doivent se cacher. Et en plus, donc, maintenant, ils perdent la communauté avec Dieu, verset 8 et 10. Maintenant, ils ne le voient pas, ils entendent sa voix. C'est sa parole qui les poursuit. C'est Dieu qui les poursuit. Eux autres, ils ne poursuivent plus Dieu. Et seulement sa voix, la voix de l'Éternel, pénètre leur façon de se cacher. Mais aussi, il y a un manque de communauté, d'honnêteté, de candeur, même entre ces deux personnes, verset 11 à verset 13. « Qui t'a appris que tu es nu ?» L'homme répondit, « C'est la femme. » Ce n'est pas la dernière fois que l'époux blâme l'épouse. Mais elle n'est pas meilleure. Alors l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?»« C'est le serpent !» C'est toujours une question de blâmer l'autre, n'est-ce pas? On ne peut pas prendre responsabilité parce que le résultat est tellement horrible qu'on ne peut pas le confronter. C'est mieux de se cacher. Voici donc les premières conséquences qui ont suivi cette tentation. Troisièmement, la malédiction explicite qui était prononcée à cause de cette tentation. La malédiction explicite qui était prononcée à cause de cette tentation. Verset 14 à verset 19. Premièrement, au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. » Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Encore une fois, il y a des interprétations différentes en ce qui concerne verset 14. Est-ce que ça signale qu'au début, le serpent avait des jambes, et maintenant, le serpent perd ses jambes, et il se promène maintenant sur son ventre. Oh, c'est possible qu'on interprète le verset comme cela, mais ce n'est pas exactement nécessaire non plus. Par exemple, quand Dieu introduit la circoncision à Abraham, on pourrait presque imaginer que personne n'avait pensé de la circoncision dans n'importe autre culture d'avant. C'était quelque chose que Dieu lui-même a introduit pour la première fois. Mais en réalité, chaque érudit de l'ancien Moyen-Est, ils savent que la circoncision était bien connue parmi bien des tribus dans le Moyen-Est. Ce n'était pas inventé au temps d'Abraham, 2000 années avant Jésus-Christ. C'était bien connu pour des siècles et des siècles et des siècles, même pour des milliers des années avant cela. Mais quand l'Éternel l'introduit à Abraham, la circoncision est maintenant liée à une alliance. Maintenant, il y a une connotation complètement nouvelle. Donc, il n'y a pas un changement de réalité extérieure, mais un changement de signification. Un changement de connotation qui se dépendait complètement de la parole de Dieu. Ce n'est pas impossible ici que le serpent marchait sous son ventre déjà, Mais maintenant, il y a une signification dans cela, une signification qui est attachée à sa corruption et au fait que, franchement, il doit toujours être condamné et manger la poussière d'une façon symbolique du diable lui-même. C'est un symbolisme que nous trouvons assez souvent dans la Bible. Par exemple, Ésaïe chapitre 65. Ésaïe chapitre 65, verset 25. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Citation de ce passage, vous voyez? Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc ça devient symbolique de la malédiction de Dieu contre le diable à cause de ce qu'il a fait. Verset 15, on l'appelle assez souvent à travers l'histoire de l'Église le protévangélium en latin. Le protévangélium, c'est-à-dire la première voie de l'Évangile. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Eh bien, la descendance de la femme ne sont pas tout simplement d'autres femmes. La descendance de la femme, ce sont les êtres humains. Même à la fin de ce chapitre, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons verset 20, « L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Voilà donc la descendance de la femme. Et la descendance du diable, ou du serpent au moins, est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il y a une espèce d'inimité entre les êtres humains et les serpents? Pour la plupart de nous, nous n'aimons pas tellement les serpents, probablement. Mais peut-être il y a quelques-uns qui sont des herpétologistes, des experts dans les serpents. Ils aiment jouer avec les serpents. Ce n'est pas le point. Encore, il y a du symbolisme. C'est-à-dire une espèce d'inimitié entre les êtres humains et tout ce qui descend de la semence du diable lui-même. Encore, c'est un symbolisme qui est soulevé de nouveau dans le Nouveau Testament. Par exemple, Romains chapitre 16, verset 20. Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et dans le contexte romain, ça veut dire nous écraserons Satan par la proclamation de l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose qui touche seulement les serpents dans le royaume matériel, hein? Mais c'est une façon de parler. Il y aura d'inimitié entre Satan et le royaume des démons. Vous n'avez que lire Apocalypse chapitre 12 que nous allons examiner d'ici quelques moments. Et surtout, c'est le Christ lui-même, la semence extraordinaire de cette femme, qui écraserait la tête du Satan. Est-ce que vous avez vu le film Misère. Je ne peux pas me souvenir du titre, même en anglais. Je viens d'y penser, ce n'était pas dans mes notes. Le film La Passion du Christ, oui, The Passion of Christ. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous vous souvenez des premiers quelques moments quand Jésus prie dans le jardin de Gethsémané? Il y a un serpent, puis tout d'un coup, il se lève et écrase la tête du serpent. Je me demande combien de personnes savaient de quoi ça parlait, ça. Mais ça vient de Genèse chapitre 3, verset 15. Hein? Déjà, le protévangélium, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, détruire la source de tout ce qui est tentation, de tout ce qui est rébellion, de tout ce qui est méchant. Sans doute vous connaissez le nom de Martin Lloyd-Jones. Dans le 20e siècle, dans le monde anglais, probablement c'était le prédicateur le mieux connu. Il était à Londres à travers quelques décennies. Il est lui-même décédé en 1981. Un homme puissant devant Dieu dans la parole. Et quand il mourait du cancer, un ami, un de mes amis, Ian Murray, l'a visité assez souvent. Parce qu'en fin de compte, c'était Ian Murray qui a écrit sa biographie. Donc, il avait accès libre. Et quand, peut-être 6 mois avant son décès, il est décédé au mois de mars, si je me souviens, ou février ou mars 1981, Murray lui a posé la question, « Monsieur Lloyd-Jones, comment arrives-tu à subir ce que tu dois subir maintenant? Autrefois, tu prêchais régulièrement à des milliers de personnes. Tu as vu des milliers de convertis. Tu as publié un grand nombre de livres. Tu étais un instrument dans la main de Dieu à construire plusieurs organisations, des conférences pour des pasteurs, et même Tyndale House, un centre de recherche biblique à Cambridge, bien d'autres choses. Et maintenant, regarde-toi. Tu te lèves le matin, tu t'habilles, et tu t'assieds dans ton siège, peut-être une heure ou deux. Tu travailles sur un manuscrit. Ensuite, tu es tellement faible que tu dois retourner au lit. Comment peux-tu subir tout cela? Comment réagir à tout cela? Et il a répondu, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Je suis parfaitement content. Tout ce qu'il a dit. Et Lloyd-Jones savait le contexte de cette citation. Ça, c'est Luc 10, 20. Quand les disciples retournaient de la commission que Jésus leur avait donnée, les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Voyez-vous l'accomplissement de Genèse chapitre 3, verset 15. Le début de l'accomplissement du protévangélium. Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ce sont des temps encore assez décourageants, n'est-ce pas, dans le monde francophone? Ce n'est pas un moment de grand réveil. Dans un sens, vous êtes protégé. Parce que quand il y a grand fruit, un moment de grand réveil, souvent, nous sommes tentés à penser que la réveil est arrivée parce que nous sommes tellement spirituels, ou sages, ou connaissants, ou purs, ou je ne sais pas quoi. Et le Seigneur nous enseigne, ne réjouissez-vous pas à cause même de la puissance que vous avez sur le diable lui-même, mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Encore, nous revenons à l'Évangile, à notre salut, à l'importance d'être nous-mêmes réconciliés à Dieu. Mais quand même, ça fait partie d'une plus grande vision de l'écrasement de la tête du serpent, n'est-ce pas? Mais encore une fois, il y a la possibilité d'une autre idolâtrie. Nous voulons être puissants au lieu d'être réconciliés à Dieu. Donc, on revient à la même tentation que nous trouvons dans le chapitre 3 de Genèse. Nous voulons être comme Dieu. Hey, je suis comme Dieu. Je peux écraser la tête du serpent. Donc, notre identité commence à s'attacher à nos ministères. Et Jésus dit, ne réjouissez-vous pas pour ça, mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Lloyd-Jones avait ses priorités bien construites, vous savez. Il a compris. Donc ça, c'était la première malédiction contre le serpent. Deuxièmement, contre la femme, contre Ève. Ça serait une bonne chose si je ne perdais pas tous mes papiers. Je mettrai verset 16. Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signale que même la chose qui la distingue comme un être humain, femelle, c'est-à-dire elle peut donner la vie à la nouvelle génération, devient quelque chose pénible. Même donner la vie devient quelque chose pénible. Et en plus, ces deux verbes qui sont difficiles à comprendre, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ces deux verbes ne se trouvent nulle part dans la Pentateuque qu'ici et que dans chapitre 4. Seulement ces deux passages. Chapitre 4, Caïn et Abel, l'Éternel, 4:6, dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. » Et, les deux verbes, « Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » C'est-à-dire les désirs du péché veulent dominer, en effet, Caïn, veulent le contrôler. Les désirs du péché se portent vers lui. Mais lui, il a la responsabilité de dominer le péché. Les mêmes deux verbes. Tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire, en partie, la malédiction, c'est que elle veut maintenant dominer son mari. Elle veut maintenant dominer lui. Elle a des désirs qui portent vers lui. Mais lui, du point de vue physique, il est plus fort. Il va le dominer. Il y a les erreurs, l'idolâtrie et la haine et la jalousie et le désaccord des deux côtés. Et ensuite, à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des chardons et des broussailles. Tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Donc, à cause de ce péché, apparemment, toute la nature devient corrompue. Devient corrompu. L'homme et la femme avaient la responsabilité de travailler même avant la chute. Mais maintenant, c'est le travail avec les épines. Et oui, ils étaient créés dans l'image de Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Dans l'image de Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Ils sont des créatures. Et maintenant, ils verront qu'ils retournent eux-mêmes à la poussière, partie de la nature déjà tombée. Paul jongle assez ses affaires dans Romains chapitre 8 que nous allons voir. Et finalement, les conséquences persistantes qui suivaient cette première tentation. Les conséquences persistantes qui suivaient cette première tentation. Verset 20 à verset 24. Je ne vais pas prendre le temps d'aller de verset en verset, mais Adam et Ève sont chassés du jardin. Ils n'ont pas accès à la vie éternelle. Ils sont rejetés. Ils ne peuvent plus s'approcher d'Éden. Ça fait partie de leur punition. Maintenant, il y a d'autres passages à examiner ensemble et nous allons les poursuivre après la pause. Mais la raison pour laquelle j'ai passé tellement de temps sur Genèse chapitre 3, c'est parce que, à moins que nous commencions à comprendre comment Dieu voit le péché, la rébellion, il n'y a pas moyen d'aborder la question de sa colère, de jugement temporel, de souffrance. En général, c'est une généralisation, mais je reviendrai plus tard, mais en général, nous autres, nous sommes surpris qu'il y a tant de souffrance dans le monde et peut-être Dieu n'est pas juste pour permettre si grande souffrance. Mais en général, la Bible a la perspective contraire. Ce qui est remarquable, c'est que Dieu ne nous détruit pas complètement immédiatement parce que nous sommes coupables. Donc, à maintes reprises, la Bible dit à travers l'Ancien Testament que Dieu est le Dieu de patience. Il est lent à nous punir. Il est comme un père qui connaît que nous sommes poussière et ainsi de suite. La Bible insiste ces choses à maintes reprises. Et chaque fois que nous les lisons, il y a quelque chose en nous qui dit, « Oh oui, oui, oui, mais quand même, il y a la guerre pas mal, et la souffrance, et la plaie, puis tout cela. Hein? » Mais du point de vue de Dieu, ce qui est remarquable, c'est ce que nous sommes encore ici. Nous ne sommes pas encore détruits. Si nous croyons vraiment à cela, ça change la perspective un petit peu. Chaque fois que nous avons la grippe et nous pensons que l'univers n'est pas juste. Oh, on sait dans le cœur que oui, ça fait partie d'une création qui était tombée, oui, mais Mais pas moi, parce que moi, je suis serviteur de l'Éternel, et ça signale que je ne peux pas servir comme j'aimerais servir. Et après tout, j'ai prié Dieu chaque matin cette semaine. Mais dans un certain sens, même des petites choses comme la grippe sont des marques d'une création sous la malédiction. Pas la malédiction finale encore. Et à ce point, je n'ai pas abordé la question de la souffrance injuste. Nous n'avons pas touché Job, par exemple. Il y a bien d'autres choses à dire. Mais il faut commencer au commencement. Et au commencement, Dieu a tout fait bien. Ce qui a introduit le mal, c'était la rébellion. Ça nous donne une vision du monde qui est bien différente que la vision, disons, gnostique, ou la vision rousseauiste, ou la vision maoïste, ou la vision platonique. Dans chaque cas, il y a une analyse des problèmes. D'où vient le mal? Est-ce que le mal vient à cause de mouvements sociaux et ça finit là? Si on peut changer la suite du capital, l'intrigue du capital, on peut changer chaque groupe dans la société? Ou si peut-être c'est une question gnostique, peut-être dans nos vies spirituelles, nous sommes spirituels dans nos vies matérielles, ça, c'est le matériel lui-même qui est méchant. Chaque façon de penser a une analyse de ces choses, vous savez? Et l'analyse biblique, c'est que ce qui est mal dans le monde, ce n'est pas le monde matériel, et ce n'est pas tout simplement les structures de société, ou ce n'est pas tout simplement les grandes villes, ou ce n'est pas tout simplement quoi que ce soit. C'est plutôt la rébellion. La rébellion du créateur contre créateur, l'idolâtrie. Voici ce qui est au fond de tout ce qui est mal dans le monde. Si nous n'acceptons pas cela, nous ne sommes pas prêts à écouter les autres choses qui sont dans les six piliers qui seront exprimés. Il faut commencer où Dieu commence, comment Dieu nous regarde. Et il nous regarde comme des rebelles. Nous voulons toujours être Dieu. Eh bien, c'est le temps pour la première pause.